Je finis dans 2 heures. Venez me chercher. Je vous rejoins dans 10 minutes. Les vacances, c'est dans 2 mois. Je vais avoir des examens dans 2 semaines. Dépêchez-vous, le film commence dans 5 minutes. Le train entrera en gare dans 3 minutes. Je ne sais pas ce que je ferai dans 10 ans. Dans 30 ans, il y aura des restaurants sur Mars. Dans 20 siècles, la Terre aura peut-être disparu.